Simili qui, simili motex. T-O-N-Y, Big Mac, donc Big Tex. M-O T-O-N-Y, Comera Boys. Comera Boys. Ça vient de la peuple, négro. Ouais, ouais. Je l'avoue, je smoke et tease et tu l'étapes. Pour les meufs, même si c'est illégal. M.O.G.S. M.O. grosse bêtise, c'est de la bombe de balle. M.O.T. M.O. smoke blood. M.O. gros stuff. Tu veux faire le stuff. Dégage de là, toi et ta clique de dub. M.O. prototype black tipper. Check tu flippes pour un peu. Check tu flippes quand je débarque ma M.O. glitch de tipper. M.O. gangsta et de gangsta pour les gangsta. Drilly gangsta. M.O.G.S. Renoir, mais dis-moi qu'est-ce que t'as. Comme un comme gang, comme un gang. Check que tu peux être maintenant mélodieux. Qui m'était pour mes jeans anti-patrin. Pour une tête en gros flingue. Pour mes gangs ta déclaration dingue. Gros speed, gros ou, gros speed, gros ou, gros speed. Et dès que je reprends ça fait dang. Comera boys et qui est porte-flingue. Dang, bang, flingue. Et mon alcool depuis ton ghetto brain. Quand mon neuf un brain. Mon ghetto crie, grigny en deuil. Depuis que mon ghetto se fâche. Depuis que mon ghetto crie. Comera ghetto. Grand bang ghetto. Comera ghetto. Grand bang ghetto. Comera ghetto. Grand bang ghetto. Mais ils vont dire que je graille. LC, je sais pas si tu captes. Comera trop vite dans le game. Petit, fais pas si ça t'étonne pas. Que ta meuf elle dise qu'elle nous aime. Y'a les petits qui coupent dans les VK. Pour vendre des tailles nos têtes. C'est dans tes oreilles que mon son tu encaisses. Blesse dans mon 9 AS, on double S, O, double N, E. Ça fait fou, mais on est deux. M.O. Diara et Tony, on te blesse. On te blesse, on te dead, on te fauche, on te lutte. Notre big, big, wow, wow. Mister Homme et Machine. 22 piges, un billet de sang, une capote et on te pine. Yeah. Ghetto, la balance, ghetto.